Permettez-moi de me présenter. Général Ivolguine, un vieux soldat malheureux, en butte à mille soucis et à la méchanceté humaine. D'où sort-il encore, celui-là? Viens avec moi, vieux soldat malheureux, et je te ferai boire tout ton sou. Laissez tranquille le général Ivolguine, monsieur Rogojine. Si vous avez besoin de vous saouler, saoulez-vous en compagnie de vos charmants camarades. Oh, mais il n'y aura personne parmi vous pour faire sortir d'ici cette catin! C'est moi que vous appelez une catin, Varvara Ardalionovna. Gabriel Ardalionitch, avez-vous entendu comment votre sœur me traite? Gabriel Ardalionitch ne répondit point à Anastasia Philipovna. Les yeux fixes et la bouche entrouverte, le cou rentré dans les épaules, il ressemblait à un chien qu'on frappe sans relâche. Et voyant Anastasia Philipovna se diriger vers la porte, il se jeta sur sa sœur et lui saisit furieusement le bras. « Que tu fais, malheureuse ?» Il leva la main sur sa sœur et il l'eût frappée en pleine figure si je n'avais pas saisi sa main au vol. « Je te trouverai donc toujours sur mon chemin, maudit. Tiens, reçois cette gifle à sa place !»« Oh !»« Ça t'apprendra à te mêler des affaires qui ne te regardent pas !» J'essuyai machinalement ma joue. Et une grande tristesse s'empara de moi. « Oh !» Comme vous allez regretter votre geste, Gabriel Ardalionitch. Tu t'en repentiras, canaille. Tu garderas le goût amer de la honte jusqu'à ta mort. Comment as-tu pu insulter si bassement le prince? Un innocent. Nastassia Philipovna jeta un regard méprisant sur Gabriel Ardalionitch. Ses lèvres remuèrent, mais elle se retint, ne dit rien. Elle marcha vers la sortie. Gania, affolée, courut derrière elle. « Oh, Anastasia Philipovna, au nom du ciel, ne vous en allez pas ainsi. Permettez-moi de me disculper auprès de vous. »« À quoi bon? Cela ne changera rien dans les sentiments que vous nourrissez à mon égard. Ni dans ceux que j'éprouve pour vous. Au revoir. N'oubliez pas de venir ce soir chez moi. »« Allons-nous-en, les gars. Adieu, fripouille. Tu as perdu la partie, Gania. Anastasia Philipovna ne te pardonnera jamais d'avoir frappé le prince. » Avez-vous facilement trouvé ce café, prince? Oui, votre fils Kolia, après m'avoir remis votre billet, m'a conduit jusqu'ici. Kolia est le seul de la famille qui me plaigne et m'estime, peut-être. C'est un garçon au cœur noble. Avez-vous lu mon billet, prince? Oui, général. Vous l'avez lu et vous êtes venu quand même. Vous aussi, vous avez du cœur. Prince, donnez-moi 10 roubles. Je n'ai pas 10 roubles, général. Tenez, en voilà 25. Changez-les et rendez-moi 15. Autrement, je n'aurai rien moi-même. Ne vous inquiétez pas, prince. Lorsque vous n'aurez plus d'argent, je pourvoirai à vos besoins. En attendant, je vous offre un verre de ce mauvais vin. J'ai quelque chose à vous demander, général. N'êtes-vous jamais allé chez Nastassia Philipovna? Non. J'ai refusé de me rendre chez cette femme, quoiqu'elle m'ait invité plusieurs fois. Je n'ai pas voulu encourager cette union indécente qui se prépare entre elle et mon fils Gania. C'est dommage. Je voulais justement vous prier de m'emmener ce soir chez elle. J'ai une affaire à régler. Une affaire à régler? Alors ça change tout. Nous irons chez Anastasia Philipovna. Et sachez, prince, que je suis fermement décidé à donner ce soir l'assaut à la forteresse, c'est-à-dire à cette femme terrible. Ah, je la vois déjà pâlir et trembler à la vue du prince Mishkin et du général Ivolguin. À quelle heure est cette soirée, général, je vous prie? 9h, oui, 9h. Nous avons encore tout notre temps. Un verre, prince. Un verre. Venez tuer! Qui? Mais la bouteille, prince. Elle est vide. Garçon! Encore une! J'accours, je vole, mon général! Voilà de quoi étancher votre soif, général. Je crains fort, général, que cette bouteille ne soit de trop. Vous oubliez que nous devons nous rendre chez Anastasia Philipovna. Mais au fait, où habite-t-elle? Oh! Loin d'ici? Oh, oui, loin. Très loin, près du grand théâtre. Et si nous nous mettions en route, général? Mais nous avons encore tout notre temps, prince. Je vais d'abord vous raconter une anecdote. Mais je n'aime pas les anecdotes, général. Finissez cette bouteille si tel est votre désir et partons. Je ne veux plus attendre. Bon. Oh, j'achève cette bouteille. Et nous partons. Que la jeunesse est impatiente. Lorsque j'avais votre âge, prince, je rêvais d'apporter le bonheur à l'humanité souffrante, au bout de mon épée. Mais maintenant... Et bien maintenant, je rêve seulement de mourir avec dignité. Et vous êtes déjà mort. Vous ne connaissez rien du monde que l'alcool. Et vous n'avez pas d'autre désir que de vous enivrer. Oh. Pardonnez-moi, général, je ne voulais pas vous blesser, vraiment pas. Mais ça ne fait rien, mon seul ami, j'en ai entendu d'autres. Et pour vous montrer que je ne vous en veux pas, nous partons. Dehors, un vent triste parcourait les rues. Le général trébuchait à chaque pas, je devais lui donner le bras. Il semblait avoir oublié le chemin qui menait vers la maison de Nastassia Philippovna. J'étais au désespoir. Il s'arrêtait, regardait les façades mouillées des maisons et disait « C'est bizarre, prince. Comme toutes les maisons sous la pluie se ressemblent. Les rues également, d'ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un sens magnifique de l'orientation. Et si, en attendant de trouver la maison de Nastassia Philippovna, nous faisions une visite à la veuve du capitaine Terentiev. Elle habite précisément cette demeure. Je voudrais savoir une chose, général. Dois-je encore compter sur vous et ne serait-il pas préférable que je me rende seul chez Nastassia Philippovna ? C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Marcel Bozufi, Parfen Rogojin, Roger Monteau, le général Ivolgin, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, Paul Ramaroni, Varvara Ardalionovna, Jean Combal, le garçon de café, et Sylvia Montfort, Nastassia Philippovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.